Pierre et Jean de Guy de Maupassant, enregistré pour audiocité.net par Sylvie. Dans le break, en revenant, tous les hommes, hormis Jean, sommeillèrent. Beausire et Roland s'abattaient tous les 5 minutes sur une épaule voisine qui les repoussait d'une secousse. Ils se redressaient alors, cessaient de ronfler, ouvraient les yeux, murmuraient « Bien beau temps !» et retombaient presque aussitôt de l'autre côté. Lorsqu'on entra dans le Havre, leur engourdissement était si profond qu'ils eurent beaucoup de peine à le secouer, et Beausire refusa même de monter chez Jean où le thé les attendait. On dut le déposer devant sa porte. Le jeune avocat, pour la première fois, allait coucher dans son logis nouveau, et une grande joie, un peu puérile, l'avait saisi tout à coup de montrer, justement ce soir-là, à sa fiancée l'appartement qu'elle habiterait bientôt. La bonne était partie, Madame Roland ayant déclaré qu'elle ferait chauffer l'eau et servirait elle-même, car elle n'aimait pas laisser veiller les domestiques par crainte du feu. Personne, autre qu'elle, son fils et les ouvriers, n'était encore entré, afin que la surprise fût complète quand on verrait combien c'était joli. Dans le vestibule, Jean pria qu'on attendît. Il voulait allumer les bougies et les lampes, et il laissa dans l'obscurité Madame Rosémilly, son père et son frère, puis il cria « Arrivez !» en ouvrant toute grande la porte à deux battants. La galerie vitrée, éclairée par un lustre et des verres de couleur cachés dans les palmiers, les caoutchoucs et les fleurs, apparaissait d'abord pareil à un décor de théâtre. Il y eut une seconde d'étonnement. Roland, émerveillé de ce luxe, murmura « Nom d'un chien !» saisi par l'envie de battre des mains comme devant les apothéoses. Puis on pénétra dans le premier salon, petit, tendu, avec une étoffe vieille or, pareille à celle des sièges. Le grand salon, de consultation très simple, d'un rouge saumon pâle, avait grand air. Jean s'assit dans le fauteuil devant son bureau chargé de livres et d'une voix grave un peu forcée. « Oui, madame, les textes de loi sont formels et me donnent, avec l'assentiment que je vous avais annoncé, l'absolue certitude qu'avant 3 mois, l'affaire dont nous sommes entretenus recevra une heureuse solution. » Il regardait madame Rosémilly, qui se mit à sourire en regardant madame Roland, et madame Roland, lui prenant la main, la serra. Jean radieux fit une gambade de collégien et s'écria « Hein, comme la voix porte bien ! Il serait excellent pour plaider ce salon !» et se mit à déclamer « Si l'humanité seule, si ce sentiment de bienveillance naturelle que nous éprouvons pour toute souffrance devait être le mobile de l'acquittement que nous sollicitons de vous, nous ferions appel à votre pitié, messieurs les jurés, à votre cœur de père et d'homme, mais nous avons pour nous le droit, et c'est la seule question du droit, que nous allons soulever devant vous. » Pierre regardait ce logis qui aurait pu être le sien et il s'irritait des gamineries de son frère, le jugeant décidément trop niais et pauvre d'esprit. Madame Roland ouvrit une porte à droite. « Voici la chambre à coucher, » dit-elle. Elle avait mis à la parée tout son amour de mère. La tenture était en crétonne de Rouen qui imitait la vieille toile normande. Un dessin Louis XV, une bergère dans un médaillon que fermaient les becs unis de deux colombes, donnait au mur, au rideau, au lit, au fauteuil, un air galant et champêtre, tout à fait gentil. « Oh, c'est charmant !» dit madame Rosémilly, devenue un peu sérieuse en entrant dans cette pièce. « Cela vous plaît ?» demanda Jean. « Énormément. Si vous saviez comme ça me fait plaisir. » Ils se regardèrent une seconde, avec beaucoup de tendresse confiante, au fond des yeux. Elle était gênée un peu cependant, un peu confuse, dans cette chambre à coucher qui serait sa chambre nuptiale. Elle avait remarqué, en entrant, que la couche était très large, une vraie couche de ménage, choisie par madame Roland qui avait prévu sans doute et désiré le prochain mariage de son fils, et cette précaution de mère lui faisait plaisir cependant, semblait lui dire qu'on l'attendait dans la famille. Puis, quand on fut entré dans le salon, Jean ouvrit brusquement la porte de gauche et on aperçut la salle à manger ronde, percée de 3 fenêtres, et décorée en lanterne japonaise. La mère et le fils avaient mis là toute la fantaisie dont ils étaient capables. Cette pièce à meubles de bambou, à magots, à potiches, à soieries pailletées d'or, à stores transparents où des perles de verre semblaient des gouttes d'eau, à éventails cloués au mur pour maintenir les étoffes, avec ses écrans, ses sabres, ses masques, ses grues faites en plumes véritables, tous ces menus bibelots de porcelaine, de bois, de papier, d'ivoire, de nacre et de bronze avaient l'aspect prétentieux et maniéré que donnent les mains inhabiles et les yeux ignorants aux choses qui exigent le plus de tact, de goût et d'éducation artiste. Ce fut celle, cependant, qu'on admira le plus. Pierre seul fit des réserves avec une ironie un peu amère, dont son frère se sentit blessé. Sur la table, les fruits se dressaient en pyramide et les gâteaux s'élevaient en monuments. On n'avait guère faim, on suça les fruits et on grignota les pâtisseries, plutôt qu'on ne les mangea. Puis, au bout d'une heure, Madame Rosémilly demanda la permission de se retirer. Il fut décidé que le père Roland l'accompagnerait à sa porte et partirait immédiatement avec elle, tandis que Madame Roland, en l'absence de la bonne, jetterait son coup d'œil de mère sur le logis afin que son fils ne manquât de rien. « Faut-il revenir te chercher ?» demanda Roland. Elle hésita, puis répondit « Non, mon gros, couche-toi, Pierre me ramènera. » Dès qu'ils furent partis, elle souffla les bougies, serra les gâteaux, le sucre et les liqueurs dans un meuble dont la clé fut remise à Jean. Puis elle passa dans la chambre à coucher, entr'ouvrit le lit, regarda si la carafe était remplie d'eau fraîche et la fenêtre bien fermée. Pierre et Jean étaient demeurés dans le petit salon, celui-ci encore froissé de la critique faite sur son goût, et celui-là de plus en plus agacé de voir son frère dans ce logis. Ils fumaient assis tous les deux sans se parler. Pierre tout à coup se leva. « Christy, dit-il, la veuve avait l'air bien vannée ce soir, les excursions ne lui réussissent pas. » Jean se sentit soulevé soudain par une de ses promptes et furieuses colères de débonnaire, blessé au cœur. Le souffle lui manquait tant son émotion était vive et il balbutia. « Je te défends désormais de dire la veuve quand tu parleras de Madame Rosémilly. » Pierre se tourna vers lui, hautain. « Je crois que tu me donnes des ordres. Deviens-tu fou par hasard ?» Jean aussitôt s'était dressé. « Je ne deviens pas fou, mais j'en ai assez de tes manières envers moi. » Pierre ricana. « Envers toi ! Est-ce que tu fais partie de Madame Rosémilly ? Sache que Madame Rosémilly va devenir ma femme. » L'autre rit plus fort. « Ah ah, très bien ! Je comprends maintenant pourquoi je ne devrais plus l'appeler la veuve, mais tu as pris une drôle de manière pour m'annoncer ton mariage. Je te défends de plaisanter, tu entends, je te le défends. » Jean s'était approché, pâle, la voix tremblante, exaspéré de cette ironie poursuivant la femme qu'il aimait et qu'il avait choisie. Mais Pierre, soudain, devint aussi furieux. Tout ce qui s'amassait en lui de colère impuissante, de rancune écrasée, de révolte domptée depuis quelque temps et de désespoir silencieux, lui montant à la tête, l'étourdit comme un coup de sang. « Tu oses ? Tu oses ? Et moi je t'ordonne de te taire, tu entends ? Je te l'ordonne !» Jean, surpris de cette violence, se tut quelques secondes, cherchant dans ce trouble d'esprit où nous jette la fureur, la chose, la phrase, le mot qui pourrait blesser son frère jusqu'au cœur. Il reprit, en s'efforçant de se maîtriser pour bien frapper, de ralentir sa parole pour la rendre plus aiguë. « Voilà longtemps que je te sais jaloux de moi, depuis le jour où tu as commencé à dire la veuve, parce que tu as compris que cela me faisait mal. » Pierre poussa un de ces rires stridents et méprisants qui lui étaient familiers. « Ah ah, mon Dieu, jaloux de toi, moi, et de quoi, mon Dieu, de ta figure ou de ton esprit ?» Mais Jean sentit bien qu'il avait touché la plaie de cette âme. « Oui, tu es jaloux de moi, et jaloux depuis l'enfance, et tu es devenu furieux quand tu as vu que cette femme me préférait et qu'elle ne voulait pas de toi. » Pierre bégayait, exaspéré de cette supposition. « Moi, jaloux de toi ? À cause de cette cruche, de cette dinde, de cette oie grasse ?» Jean, qui voyait porter ses coups, reprit. « Et le jour où tu as essayé de ramer plus fort que moi dans la perle, et tout ce que tu dis devant elle pour te faire valoir, mais tu crèves de jalousie, et quand cette fortune m'est arrivée, tu es devenu enragé, et tu m'as détesté, et tu l'as montré de toutes les manières, et tu as fait souffrir tout le monde, et tu n'es pas une heure sans cracher la bile qui t'étouffe. » Pierre ferma ses poings de fureur avec une envie irrésistible de sauter sur son frère, et de le prendre à la gorge. « Ah, tais-toi cette fois, ne parle point de cette fortune !» Jean se récria. « Mais la jalousie te suinte de la peau. Tu ne dis pas un mot à mon père, à ma mère ou à moi, où elle n'éclate. Tu feins de me mépriser parce que tu es jaloux. Tu cherches querelle à tout le monde parce que tu es jaloux. Et maintenant que je suis riche, tu ne te contiens plus. Tu es devenu venimeux. Tu tortures notre mère comme si c'était sa faute. » Pierre avait reculé jusqu'à la cheminée, la bouche entr'ouverte, l'œil dilaté, en proie à une de ces folies de rage qui font commettre des crimes. Il répéta d'une voix plus basse, mais haletante. « Tais-toi ! Tais-toi donc !»« Non ! Voilà longtemps que je voulais te dire ma pensée entière. Tu m'en donnes l'occasion, tant pis pour toi. J'aime une femme, tu le sais, et tu la railles devant moi, tu me pousses à bout, tant pis pour toi. Mais je casserai tes dents de vipère, moi. Je te forcerai à me respecter. Te respecter, toi ? Oui, moi. Te respecter, toi, qui nous as tous déshonorés par ta cupidité. Tu dis ? Répète, répète. Je dis qu'on n'accepte pas la fortune d'un homme quand on passe pour le fils d'un autre. » Jean demeurait immobile, ne comprenant pas, effaré devant l'insinuation qu'il pressentait. « Comment ? Tu dis, répète encore ? Je dis ce que tout le monde chuchote, ce que tout le monde colporte, que tu es le fils de l'homme qui t'a laissé sa fortune. Eh bien, un garçon propre n'accepte pas l'argent qui déshonore sa mère. » « Pierre, Pierre, Pierre, y songes-tu ? Toi, c'est toi, toi, qui prononce cette infamie ? » ?»« Moi, moi, c'est moi. » « Tu ne vois donc point que j'en crève de chagrin depuis un mois, que je passe mes nuits sans dormir et mes jours à me cacher comme une bête, que je ne sais plus ce que je dis, ni ce que je fais, ni ce que je deviendrai tant je souffre, tant je suis affolée de honte et de douleur, car j'ai deviné d'abord, et je sais maintenant. » « Pierre, tais-toi. Maman est dans la chambre à côté. Songe qu'elle peut nous entendre, qu'elle nous entend. » Mais il fallait qu'il vidât son cœur, et il dit tout, ses soupçons, ses raisonnements, ses luttes, sa certitude, et l'histoire du portrait, encore une fois, disparut. Il parlait par phrases courtes, hachées, presque sans suite, des phrases d'hallucinés. Il semblait maintenant avoir oublié Jean et sa mère dans la pièce voisine. Il parlait comme si personne ne l'écoutait, parce qu'il devait parler, parce qu'il avait trop souffert, trop comprimé et refermé sa plaie. Elle avait grossi comme une tumeur, et cette tumeur venait de crever, éclaboussant tout le monde. Il s'était mis à marcher, comme il faisait presque toujours, et les yeux fixes devant lui, gesticulant dans une frénésie de désespoir, avec des sanglots dans la gorge, des retours de haine contre lui-même, il parlait comme s'il eût confessé sa misère et la misère des siens, comme s'il eût jeté sa peine à l'air invisible et sourd où s'envolaient ses paroles. Jean, éperdu et presque convaincu soudain par l'énergie aveugle de son frère, s'était adossé contre la porte derrière laquelle il devinait que leur mère les avait entendus. Elle ne pouvait point sortir, il fallait passer par le salon. Elle n'était point revenue, donc elle n'avait pas osé. Pierre, tout à coup, frappant du pied, cria. « Tiens, je suis un cochon d'avoir dit ça !» Et il s'enfuit, nu-tête, dans l'escalier. Le bruit de la grande porte de la rue, retombant avec fracas, réveilla Jean de la torpeur profonde où il était tombé. Quelques secondes s'étaient écoulées, plus longues que des heures, et son âme s'était engourdie dans un hébétement d'idiot. Il sentait bien qu'il faudrait penser tout à l'heure et agir, mais il attendait, ne voulant même plus comprendre, savoir, se rappeler, par peur, par faiblesse, par lâcheté. Il était de la race des temporiseurs qui remettent toujours au lendemain, et quand il lui fallait sur le champ prendre une résolution, il cherchait encore, par instinct, à gagner quelques moments. Mais le silence profond qui l'entourait maintenant, après les vociférations de Pierre, ce silence subi des murs, des meubles, avec cette lumière vive des 6 bougies et des 2 lampes, l'effraya si fort tout à coup qu'il eut envie de se sauver aussi. Alors, il secoua sa pensée, il secoua son cœur, et il essaya de réfléchir. Jamais il n'avait rencontré une difficulté dans sa vie. Il est des hommes qui se laissent aller comme l'eau qui coule. Il avait fait ses classes avec soin pour n'être pas puni, et terminait ses études de droit avec régularité, parce que son existence était calme. Toutes les choses du monde lui paraissaient naturelles, sans éveiller autrement son attention. Il aimait l'ordre, la sagesse, le repos par tempérament, n'ayant point de repli dans l'esprit, et il demeurait devant cette catastrophe comme un homme qui tombe à l'eau, sans avoir jamais nagé. Il essaya de douter d'abord. Son frère avait menti, par haine et par jalousie, et pourtant, comment aurait-il été assez misérable pour dire de leur mère une chose pareille s'il n'avait pas été lui-même égaré par le désespoir? Et puis Jean gardait dans l'oreille, dans le regard, dans les nerfs, jusque dans le fond de la chair, certaines paroles, certains cris de souffrance, des intonations et des gestes de Pierre, si douloureux qu'ils étaient irrésistibles, aussi irrécusables que la certitude. Il demeurait trop écrasé pour faire un mouvement ou pour avoir une volonté. Sa détresse devenait intolérable. Et il sentait que, derrière la porte, sa mère était là, qui avait tout entendu et qui attendait. Que faisait-elle? Pas un mouvement, pas un frisson, pas un souffle, pas un soupir ne révélait la présence d'un être derrière cette planche. Se serait-elle sauvée? Mais par où? Si elle s'était sauvée, elle avait donc sauté de la fenêtre dans la rue. Un sursaut de frayeur le souleva, si prompt et si dominateur, qu'il enfonça plutôt qu'il n'ouvrit la porte et se jeta dans sa chambre. Elle semblait vide. Une seule bougie l'éclairait, posée sur la commode. Jean s'élança vers la fenêtre. Elle était fermée, avec des volets clos. Il se retourna, fouillant les coins noirs de son regard anxieux, et il s'aperçut que les rideaux du lit avaient été tirés. Il y courut et les ouvrit.